part à Bobo. Crocodile là c'est chaud. On bouge à bloc au sol. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. On veut jumper. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah on top à diamé. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. On veut jumper. Ah ouais. Taxi man Kuchala. Taxi man Kuchala. Taxi man Kuchala. Tu dis quoi? Taxi man Kuchala. Tu dis qu'il y a pas assez. On voit pas où il y a drap.